Ce message s'adresse à ceux qui ont tué le maître et brûlé les champs de coton psychologiquement. La couleur ne doit pas être synonyme de douleur, et que soit châtié ceux qui parlent encore du bruit et de l'odeur. Que tu sois blanc, beurre, jaune ou noir, bienvenue dans mon public. L'être anonyme à tous les dirigeants de la République. On veut m'enfoncer la banane parce que l'homme descend du sein, soi-disant. 10 ans de tôle pour un kill, c'est banal. On me fixe comme si je sortais d'une soucoupe. Voyager dans la soupe, cracher dans la soupe française, c'est pas un scoop. Porter le deuil ou les murs de la thèse, pris pour un bouffon par l'état. Le roi du terre-terre, on l'appelle l'altesse. Le mal-être, on rêve de la mallette. Les gosses remplacent la fève par du shit dans la galette. Refuge le système, réformé P4. MC4, on se laisse pousser la barbe un 14 juillet au C4. J'crois plus au Père Noël, j'boulard, j'paye impôts. Mes seules certitudes dans la vie, c'est la mort et les impôts. Des bonnes paroles, j'en ai soupé. Putain, j'repense encore à ce prof raciste qui m'a dit de faire un BEP. Pas plus de, mais des taffes à se tuer la colonne. On camoufle pas l'odeur de la chiasse avec de l'autre colonne. Ces franchouillards du terroir qui pensent que ma banlieue c'est Goumage et Djihad. Mais que pensez-vous de Bouna et Ziad? L'ignorance volontaire, c'est la soumission du contrôle. Les politiques fuient la merde, forcés on pratique le crawl. Tu me promets la lune mais t'as pas la fusée Ariane. Ni le kérosène, je me cure le zen usé par les promesses de Marianne. Froisser le postérieur, encaisser la saucisse. Ministre de l'intérieur, extérieur à nos soucis. L'intégration serait une utopie, que d'espoir mort-né. Docteur, y'a une galère dans l'autopsie. J'aime la France sans ses dirigeants hypocrites qui parlent de Napoléon en héros, mais quelle histoire mal écrite. Cessez les délires blood et creeps. Sachez que la cause de la première guerre mondiale, c'est parce qu'ils se disputaient l'Afrique. Mal au ventre, la justice s'est chier dessus. A défaut de tuer un homme, on s'est mis au GG dessus. Considéré comme un crapaud, trop longtemps, il serait temps de rajouter une couleur à ton drapeau. Allons enfants de la patrie, le jour des noirs est arrivé. Rabza et autres, serrez les rangs au son de la batterie. Augmentation de 9% des violences policières enregistrées. La tolérance, zéro. Cette arme, c'est un flash call. Une arme mise au point par les brigades anti-émeutes américaines qui envoient des grosses balles de caoutchouc. Vous allez vous débloquer au second tour. J'attends les ordres de mon chef, c'est Jean-Marie Le Pen. Nous défendons vraiment la chrétienté. L'homme ne peut pas se débrouiller sans Dieu. Revenons à Dieu et votons Le Pen. Je suis anti-roux, anti-croux, anti-nègre. Pourquoi tous ceux qui vont chez nous, principalement les immigrés. En vérité, je vous le dis. On nous a menti, trahi depuis le début, mes frères, en vérité, je vous le dis. Je prends la parole au nom du vrai public. La rage au ventre, l'être anonyme à tous les dirigeants de la République. En vérité, je vous le dis. On nous a menti, trahi depuis le début, mes frères, en vérité, je vous le dis. Je prends la parole au nom du vrai public. La rage au ventre, l'être anonyme à tous les dirigeants de la République.